Aujourd'hui, dit M. Matou de la Mayonnaise, en déjeunant au restaurant hongrois avec les Dumanet et les fiancés, je ne serai pas des vôtres dans la journée. Il faut que j'aille attendre mon frère à la gare. On s'était décidé à faire venir l'oncle Arthur, que d'abord on avait vivement engagé à garder la maison. Ce frère cadet de M. de la Mayonnaise, de 2 ans plus jeune que lui, manquait totalement d'intelligence et la pondération, cette habituelle qualité des imbéciles, lui faisait tout à fait défaut. Ce deuxième matou était un calque caricatural de son aîné, et l'aîné, qui se rendait compte de cette fâcheuse ressemblance, n'aurait aimé rien tant que d'éviter tout rapprochement. Malheureusement, la faiblesse d'esprit de son frère rendait nécessaire sa tutelle complète, et il avait dû supplier l'oncle Arthur de venir habiter en famille. Il fallait éviter quelque excès de gâtise irréparable qui eût fait dévier de sa ligne naturelle l'héritage des ancêtres matous. La pensée de traîner à Paris l'oncle Arthur avait effrayé avec raison. La vue des femmes mettait hors de lui ce gâteux et la surveillance semblait presque impossible à exercer. On l'avait donc laissé à la Mayonnaise en compagnie d'un valet de chambre sûr. Mais le curé écrivait à M. Matou pour l'avertir que chaque soir la nièce du Bedeau s'introduisait au château par les soins du valet de chambre sûr. Il ajoutait que le scandale, considérable, n'était que peu de chose comparativement aux résultats que ce scandale pouvait avoir pour la famille de la Mayonnaise. Certes, les capacités de M. Arthur étaient, surtout maintenant, très limitées, mais la nièce du Bedeau était la honte du village et comme elle connaissait tous les garçons du pays, ce serait bien le diable si elle n'arrivait pas, grâce à leurs multiples collaborations, à un chantage formel. Très inquiet, M. de la Mayonnaise avait, au reçu de cette lettre, fait à son frère une description enthousiaste des Parisiennes, lui disant, non pas de venir, comme tous les imbéciles, l'oncle Arthur tenait à ne pas se laisser diriger, mais seulement que si, par hasard, il lui plaisait de s'assurer que ses descriptions n'étaient nullement exagérées, il serait le bienvenu. 2 jours plus tard, l'oncle annonçait son arrivée et on l'attendait aujourd'hui. Paul dit en riant « L'oncle Arthur à Paris, c'est ça qui va être commode. » M. Matou expliqua « Je ne le quitterai pas, comme tu penses. » Il se disait qu'au contraire, il jouerait de la présence de son frère pour lâcher la famille et s'amuser à sa façon. La grosse Madame Matou, qui manquait d'astuce et avait au cœur une grande bonté, dit gentiment « Je te relayerai, mon ami. »« C'est ça, » fit Paul, « vous partagerez la poire, si j'ose ainsi dire. »« Volontiers, ma chère amie, volontiers, » répondit avec empressement M. Matou, qui entrevit une façon d'avoir encore plus de liberté. Il craignait un peu la clairvoyante tendresse de sa femme, qui, s'il lâchait les promenades en bande, s'étonnerait et devinerait peut-être la vérité. Mais lorsqu'elle serait accaparée par Arthur, il se donnerait de l'air, comme disait la môme framboise dans cette langue imagée qui le charmait. « J'aime cette musique, » fit en regardant les tziganes, Madame Dumanet qui palpitait. « Ça se voit, » répondit Paul avec une certaine aigreur. Sa future belle-mère l'écœurait. Il avait deviné l'intrigue avec le juif qu'il flairait sous l'étiquette mensongère du colonel de l'Étoile, et la parenté l'effrayait. Non pas que Sylvie ressemblât en quoi que ce fût à sa mère. Il la voyait en cette même minute, entendant peut-être, mais n'écoutant pas la musique qui énervait si fort Madame Dumanet. La physionomie douce et un peu bébête de la jeune fille restait fermée inexorablement. Comme la belle Joséphine venait de parler, M. Matou se tourna vers elle pour lui répondre, mais il s'arrêta surpris et demanda « Vous n'êtes pas malade ?»« Non, pas du tout, » fit Madame Dumanet. « Pourquoi me demandez-vous ça ?» Parce que vous avez une mine très défaite et, comme vous étiez souffrante. » Elle ne pensait plus du tout au mal de dents de la veille et répondit d'un air étonné. « Moi, j'étais souffrante, quand ça ?»« Mais hier soir. Voyons, maman, tu ne te rappelles déjà plus. » dit Sylvie, tandis que M. Dumanet, très gêné, fourrait son nez dans son assiette. M. Matou bouchonna sa serviette et se leva. Il venait de voir le long du quai la môme framboise qui passait. Sachant qu'on déjeunerait au restaurant hongrois et que sa bande irait ensuite visiter les colonies au Trocadéro, il avait donné rendez-vous à la môme à 12h30 au pont Alexandre III, côté de l'esplanade des Invalides, où il était sûr de ne pas faire de fâcheuses rencontres. « Où vas-tu, Pamphile ?» demanda Madame Matou. « Dame, je vais à la gare. »« Comment à cette heure-ci ? Mais c'est au train de 5h que tu vas. » Monsieur de la Mayonnaise avait prévu le cas. Il s'était adressé à lui-même le matin une dépêche indiquant le premier train. Il la sortit de sa poche et la tendit à sa femme en cachant du pouce la ligne où le lieu de départ se trouvait indiqué en disant « Veux-tu voir si je me trompe ?»« C'est vrai, » dit la brave femme après avoir lu. « C'est parfaitement vrai. Mais quel diable d'idée a eu Arthur de venir par ce train ? Jamais on ne prend ce train-là. Que veux-tu ? » fit avec pitié monsieur de la Mayonnaise, oubliant que pour la première fois lui-même quittait Pont-sur-Orne depuis 30 ans. « Que veux-tu, ma pauvre amie ? Il ne sait pas, il n'a pas l'habitude de voyager. » Mais madame Matou s'entêta. « Je suis sûr que c'est Joseph qui s'est trompé en envoyant la dépêche. » Paul, qui devinait et excusait le petit manège de son père, vint à son secours en disant « C'est égal, trompé ou pas, il vaut mieux que papa aille inutilement à la gare que de laisser l'oncle Arthur déballer tout seul. » Puis, ne résistant pas, après avoir repêché monsieur de la Mayonnaise, à lui donner une légère frousse, il conclut « Et tomber sur des petites femmes comme celles qui étaient autour de nous avant-hier au restaurant et que madame Dumanet n'aime pas. Nous serions frais, et l'oncle Arthur aussi. » « En vérité, monsieur Paul, » fit madame Dumanet mécontente, « vous oubliez que Sylvie est là ?» Il répondit avec franchise « Mais non, je ne l'oublie pas. » Il avait remarqué la môme framboise qui se promenait sur le quai. Il l'avait reconnue comme la femme qui, au restaurant, regardait tout le temps son père, et réciproquement. Deux ou trois fois, au cours du dîner, le baron Bitter avait dû la rappeler à l'ordre, et se souvenant de 1000 petits faits, Paul se disait que sûrement son père avait lui aussi distingué la môme. Monsieur de la Mayonnaise avait rougi violemment. Il dit « Vous allez voir que je vais manquer le train. »« Oui, cours, papa, amuse-toi bien. » Il laissa monsieur de la Mayonnaise s'angoisser un instant avant d'achever Narquois. « Avec l'oncle Arthur ?» Depuis un instant, madame Matou regardait avec insistance une table voisine. Tout à coup, elle s'exclama. « Comme on a raison de dire que Paris est petit et qu'on s'y retrouve. »« Quoi donc ?» demanda monsieur Dumanet. « Là, à deux pas, la duchesse. Vous ne voyez pas ?» Elle montrait la duchesse de Corda Potentia qui déjeunait en éblouissante toilette avec un monsieur très élégant. Madame Dumanet se retourna pour regarder la duchesse et s'intéressa tout de suite à son compagnon. « C'est ce jeune homme si distingué qui dînait l'autre soir avec une de ses créatures. Vous savez bien ?»« Très bien, » dit Paul, qui reconnaissait le monsieur de Gisèle de Champigny. « Il est charmant, » dit la bonne madame Matou, bienveillante et sincère. « Charmant, » répéta monsieur Dumanet comme un écho. « Épatant, » fit Paul, qui blaguait mais qui s'immobilisa, ahuri, en entendant Sylvie. Sylvie, qui jamais n'avait d'avis sur les gens ni sur les choses, dire d'une voix douce et d'un air extasié « C'est bien vrai qu'il est charmant. » Ce fut de l'étonnement, mais pas de la jalousie. Il ne voyait au fond aucun inconvénient sérieux à ce que sa petite fiancée admirât le monsieur si bien qui déjeunait avec la duchesse de Corda Potentia. Le monsieur regardait à travers ses longs cils en balai la table qui l'intéressait si fort, c'est-à-dire un coin de la table, celui où étaient Sylvie, madame Dumanet et Paul. Accoudé, le menton posé sur ses mains, les yeux fixés sur le monsieur, la belle Joséphine semblait rêver tandis qu'il la regardait sans déplaisir. Quant à Sylvie, les yeux baissés, les joues roses, elle ne disait plus rien du tout. La volumineuse duchesse venait de demander l'addition. Elle régla, donna un mince pourboire au garçon qui mâchonna quelque chose entre ses dents et passa, hautaine et rigide, sous son fard, en frôlant la nappe des Dumanet et Matou qu'elle entraîna à moitié. En ce moment, le beau jeune homme qui suivait, mélancolique et effronté, demanda d'une voix un peu traînante et comme lassée. « Alors nous allons au palais du costume à 3 heures ?» Elle répondit sans même s'excuser d'avoir entraîné une carafe que M. Dumanet venait de rattraper au vol et qu'il tenait gauchement entre ses bras, mais en dévisageant Paul. « Oui, à 3 heures. Le colonel nous y attendra. » Arrêtée, elle regardait Paul singulièrement de ce regard de velours qui était presque un charme, et qui surprenait dans cet ensemble absolument caricatural. Et le jeune homme se dit, surpris, « Mais nom d'un petit bonhomme, on dirait qu'elle me fait de l'œil. » Quand on sortit du restaurant, il était près de 2 heures. Madame Matou, qui aimait la campagne, proposa d'aller au village suisse, mais Paul objecta que Sylvie avait dit qu'elle désirait avant tout voir le Trocadéro. La jeune fille protesta, « Mais non, ça m'est égal. Ce que j'ai le plus envie de voir, c'est le costume. » « Alors allons au costume, » fit Paul, désireux d'être agréable à sa fiancée. Mais cette fois encore, Sylvie le contredit. « Pas du tout, voyons d'abord le village suisse, puisque votre mère le désire. »« Nous irons ensuite au costume, » conclut Madame Dumanet. Et regardant furtivement sa montre, elle se mit à presser le pas. Paul fut surpris de cet acquiescement au désir de Sylvie. C'était la première fois qu'il voyait la mère vouloir ce que voulait la fille. La pauvre Madame Matou, que l'allure un peu vive surprenait en sortant de table, roulait comme une petite boule, les joues congestionnées, le souffle court. Alors son fils proposa « Si tu prenais le trottoir roulant, maman ?»« C'est ça, » fit Madame Dumanet qui venait de regarder encore sa montre. « Nous allons marcher un peu. Nous vous retrouverons devant le palais du costume. » Alors, fit avec regret Madame de la Mayonnaise, « on ne va pas au village suisse ?» La belle Joséphine, qui avait tout ce qui rappelle la campagne en horreur et désirait éviter le village suisse, eut une idée qui lui parut excellente et conseilla. « Allez-y donc, au contraire, chère madame. Vous allez avoir une heure d'avance sur nous en prenant le trottoir roulant. Voyez paisiblement le village suisse. Et vous nous retrouverez au costume après. » « Je veux bien, » murmura la bonne Madame Matou, à qui le trottoir roulant inspirait une curiosité et une peur intense. « Mais ça ne va-t-il pas me faire mal au cœur ?»« Mais pas du tout, » affirma Paul, qui n'en savait rien. Puis, gentil tout de même, il offrit. « Veux-tu que j'aille avec toi, maman ?»« Jamais de la vie, » fit Madame de la Mayonnaise, que la pensée de séparer les fiancés indignait. « Je veux que tu restes avec Sylvie. » Monsieur Dumanet, à son tour, proposa, de l'air d'un chien qu'on fouette, « Si vous désirez que je vous accompagne. » Régulièrement, il était malade quand il ne marchait pas après avoir mangé. À sa grande joie, Madame Matou refusa en disant « Non du tout, je vous remercie. Je vais faire très bien ma petite excursion toute seule. »« Sauras-tu nous retrouver, maman ?» demanda Paul, vaguement inquiet. « Mais oui, très bien. Je me ferai indiquer le palais du costume. »« C'est près de la tour Eiffel. Ne te trompe pas. Et ne demande ton chemin qu'à des sergents de ville, à eux seulement. Tu entends bien, maman ?» « Tiens, nous voici justement à la grande passerelle du trottoir roulant. »« Ah, c'est là ?» fit Madame Matou, dont le cœur se mit à battre. « C'est déjà là. Veux-tu que je te conduise en haut ?»« Mais non, c'est inutile. Merci, mon enfant. À tout à l'heure. »« Tu as de l'argent ?»« Oui, sois tranquille. À 3 heures devant le palais du costume, c'est convenu. » Elle eut voulu embrasser son fils. Une peur atroce la saisissait qui lui disait de rester, tandis que la curiosité et le respect humain l'invitaient à partir. Résolument, elle entra sur la passerelle. Quand elle disparut dans la foule, Paul dit « Pauvre maman, je parie qu'elle ne sera pas fichue de se retrouver. »« Oh, croyez-vous ?» fit Madame Dumanet avec indifférence. « Elle demandera son chemin. »« Oui, mais on le lui indiquera peut-être à rebours si elle s'adresse au premier venu. » On voit bien qu'elle est de province avec sa belle robe violette et ses bijoux. » Il s'arrêta court, se souvenant que Madame Dumanet se couvrait volontiers de bijoux, mais un coup d'œil jeté à la dérobée lui fit voir qu'elle avait renoncé à cette habitude d'autrefois. En même temps, elle répondait « Oui, vous avez raison, à Paris les bijoux ne sont pas de mise. » Elle trouvait ça surtout depuis qu'elle avait perdu son rubis. Monsieur Dumanet sourit doucement et demanda, narquois, « Vous n'avez toujours pas de nouvelles de la préfecture de police ?» Paul avait rejoint Sylvie et cherchait à causer, mais elle semblait distraite et répondait à peine à ses questions. Pendant 1 heure, ils flânèrent, presque silencieux, suivant Madame Dumanet qui s'arrêtait, regardait et repartait sans se soucier d'eux ni de son mari. À la fin, ils arrivèrent au palais du costume. Madame Matou n'y était pas. En revanche, ils aperçurent la duchesse de Cordapotentia et le beau jeune homme aux longs yeux qui semblait attendre. Il sembla à Paul qu'en le voyant, Sylvie avait rougi. « Votre mère n'est pas encore arrivée ?» dit Madame Dumanet en regardant autour d'elle. « Ne l'attendons pas pour entrer, » répondit Paul. « Je suis sûr qu'elle ne viendra pas. »« Que si ?» fit Monsieur Dumanet consolant. Mais le jeune homme expliqua. « Elle nous a donné rendez-vous à 3 heures. Il est 3h15 et elle est l'exactitude même. » Ou elle est fatiguée, et elle est rentrée à l'hôtel tout de suite, ou, et c'est plus probable, elle n'a pas su se dépêtrer toute seule. « Vous n'êtes pas inquiet ?» demanda M. Dumanet. « Non, » dit Paul. Il remarquait que Sylvie, au lieu de se préoccuper comme les autres de l'absence de sa future belle-mère, regardait avec un peu trop d'insistance le joli compagnon de la duchesse de Cordapotentia. À ce moment, le jeune homme quitta la duchesse pour aller au-devant du colonel qui arrivait. Le colonel comte de l'Étoile marchait vite, portant beau, l'air joyeux. Et comme pour rejoindre la duchesse, il passait en saluant gracieusement devant le groupe Matou-Dumanet, M. Dumanet et Paul regardèrent d'un autre côté tandis que la belle Joséphine l'arrêtait au passage en demandant très bas « Quel est donc ce jeune homme qui est avec vous ?» Et pour expliquer sa question, elle ajouta « Nous le rencontrons partout depuis quelques jours. » « C'est, répondit le colonel, le vicomte de Naft. Un Français ?»« Tout ce qu'il y a de plus français, vieille famille du Poitou. Vous entrez au costume ?»« Oui, dans un instant. Nous attendions Madame de la Mayonnaise, mais comme elle ne vient pas. » La belle Joséphine crut voir un furtif sourire relever la moustache du colonel. Elle jeta un regard sur elle-même, puis sur ses compagnons, ne s'expliquant pas le motif de ce sourire aussitôt réprimé. Le colonel s'inclina profondément devant elle et devant Sylvie, puis rejoignit la duchesse de Corda Potentia qui causait avec le vicomte. Alors Madame Dumanet se tourna vers Paul, demandant « Qu'est-ce que nous faisons ? Entrons-nous ou attendons-nous encore ?»« Il est tout à fait inutile d'attendre, » répondit Paul qui se dirigea vers le guichet pour payer. « Oh ! » fit la belle Joséphine en entrant dans le palais. « Oh, comme il fait sombre !» Il y avait devant certains tableaux une foule compacte. Paul offrit son bras à Sylvie qui hésita, puis répondit « Non, merci, ça me gêne pour relever ma robe, et si je ne la relevais pas, tout le monde marcherait dessus. » « C'est assommant ce monde, » fit le jeune homme avec un peu d'humeur. Il lui déplaisait fort que sa petite fiancée subît ses frôlements. Mécontent du refus de Sylvie de prendre son bras, il songea à faire constater au père l'inconvénient qu'il pouvait y avoir pour la jeune fille à cette promiscuité avec des individus qui devaient pour la plupart être des goujats. Et s'approchant de M. Dumanet, il lui débita son petit boniment. On était devant le tableau de Venise. Là, serré dans un groupe qui se heurtait et se poussait pour mieux voir, Sylvie fut en quelque sorte séparée de ses compagnons. Elle se retourna pour voir où ils étaient. À ce moment, une main cherchait la sienne, tandis qu'une voix chaude murmurait à son oreille « Je vous aime, mademoiselle, je vous aime comme un fou !» Elle crut avoir rêvé, mais dans sa main, libre de l'étreinte qui lui avait semblé très douce, elle sentait craquer un papier. Et à côté d'elle, elle ne vit plus que la grosse figure fardée de la duchesse de Corda Potentia. Madame Dumanet, depuis son entrée dans le palais, avait senti plusieurs fois tout contre elle le vicomte de Naft qui se faufilait. Et tout à coup, une sensation de chaleur la pénétra toute, tandis que la soie d'une moustache parfumée lui caressait le visage et qu'un bras robuste entourait sa taille et la serrait étroitement. Elle poussa une sorte de gémissement et M. Dumanet demanda « Qu'est-ce que c'est, ma bonne ? Qu'est-ce que c'est ? On te sert trop, peut-être ? Veux-tu sortir ?»« Mais non, » répondit la belle Joséphine, et elle ajouta avec conviction « Je me trouve très bien. » Elle regarda autour d'elle et vit son mari et Sylvie, mais elle n'aperçut pas Paul. C'est que lui aussi avait sa part d'aventure. Il s'était senti embrassé, sans qu'il sût pourquoi ni comment, par des lèvres odieusement pommadées, et ce baiser lui avait graissé la joue et barbouillé le cœur. Il rejoignit Madame Dumanet et Sylvie, honteux de cette conquête qu'il venait de faire malgré lui. Quand ils sortirent de l'obscurité, il n'osait plus regarder Sylvie qui lui souriait très doucement, embarrassée pourtant et ne sachant comment dissimuler la lettre qu'elle tenait toujours cachée dans sa main. En quittant les Dumanet et Paul, la bonne Madame Matou avait grimpé en s'essoufflant bien fort la pente de la passerelle, puis, après avoir payé, elle était restée immobile attendant un arrêt qui ne venait pas, et soudain le colonel lui était apparu comme un sauveur. À l'instant où il passait devant elle, il l'avait saisie et attirée à lui, très vite, très fort, la hissant en quelque sorte en dépit de sa résistance et de son poids. Quand elle fut sur ce trottoir roulant dont elle rêvait depuis des mois, isolée des siens, livrée pour la première fois de sa vie à elle-même et seule avec cet homme charmant qui la faisait rêver, plus encore que le trottoir roulant, elle éprouva une émotion singulière. La voyant tout étourdie et flageolante, il lui passa son bras autour des épaules et la maintint un instant serrée contre lui, la soutenant, cherchant à lui donner confiance, l'encourageant de la parole et du geste, lui expliquant doucement que ce trottoir si effrayant n'était pas du tout dangereux. Madame Matou de la Mayonnaise avait fermé les yeux, se laissant aller, s'abandonnant à cette étreinte qui la surprenait et lui causait une sorte d'engourdissement très doux. Pendant les quelques instants qu'elle passa appuyée sur la vaillante poitrine du colonel comte de l'Étoile, l'excellente femme rêva qu'elle était l'héroïne de l'un des nombreux romans qu'elle avait vécu. Dans le demi-sommeil des longues journées de la Mayonnaise, elle composait des idylles où elle jouait toujours un premier rôle que jamais elle n'avait entrevu dans la réalité, et voilà que le rêve semblait prendre corps et se transformer. Elle songeait à toutes ces choses dans une brume d'incertitude et d'anxiété. Tout à coup, elle sentit l'étreinte du colonel se desserrer, tandis qu'il demandait d'une voix qui sonna trop gaiement à son gré « Eh bien, ça va-t-il mieux, voyons ?» Elle répondit, et le son sortait difficilement de son gosier contracté. « Oui, colonel, oui, grâce à vos bons soins et à votre aide, car sans vous j'aurais probablement attendu bien longtemps. » Et d'un ton pénétré, elle ajouta « Merci, oh merci !»« Il n'y a pas de quoi me remercier, » affirma le colonel, « tout le plaisir a été pour moi. » Il s'arrêta, puis acheva, vibrant et convaincu. « Je vous dois des minutes exquises et dont je conserverai toujours le souvenir charmé. » Madame Atout rougissait à vue d'œil et son cœur battait à gros coups. Elle murmura, très émue, « Colonel, oh colonel !» Elle ne trouvait pas autre chose à dire. Pour se donner une contenance, elle voulut, comme elle l'avait lu dans les romans, se rajuster. Pour ce faire, elle abaissa les yeux sur sa volumineuse poitrine, mais subitement elle poussa un cri. « Oh ma corbeille! J'ai perdu ma corbeille de fleurs !» Ses mains cherchaient, fébriles, fouillant les garnitures du corsage. Le comte demanda avec un intérêt étonné. « De fleurs? Quelles fleurs aviez-vous? Je ne me souviens pas de vous en avoir vu. « Mais si !» murmura la pauvre Madame Matou, absolument saisie. « J'avais un bijou, une sorte d'agrafe en pierrerie. » Le colonel eut l'air effaré. « En pierrerie, et vous l'avez perdu? Mais où ?» Madame de la Mayonnaise fit un geste d'ignorance découragée. « Hélas !»« Et où était-il, ce bijou ?»« Ici, » dit-elle en indiquant du doigt le majestueux avancé de sa poitrine. Le colonel fronçait le sourcil. Il dit, après avoir longtemps réfléchi, « C'est quand vous êtes monté sur le trottoir roulant, probablement, que le bijou se sera détaché. Et je ne voudrais pas vous attrister, mais je crains bien que vous ne le retrouviez jamais. » « C'est navrant, » fit la grosse femme, désolée. « Il y avait de très belles pierres. » Il dit, semblant faire une concession. « Dans tous les cas, on peut prévenir à la préfecture de police. Voulez-vous que je me charge de ce soin ?»« Colonel, je ne voudrais pas vous donner cette peine. »« De rien, j'irai tout à l'heure avant de rentrer à l'hôtel. » On roulait en ce moment dans l'avenue de la Motte-Piquet. Le colonel, comte de l'Étoile, parut s'absorber dans la contemplation des intérieurs riverains. Il dit, indiquant une jeune femme qui lisait, étendue sur une chaise, dans une pièce d'assez mauvais goût. « Elle est jolie, elle se sait regarder, et elle pose. Il y a des femmes qui crient bien haut contre le trottoir roulant et qui passent leur journée à poser pour lui. » Mais la bonne Madame Matou, qui suivait son idée, continuait de se lamenter. « Un si joli bijou ancien, et je comptais l'offrir à Sylvie demain pour l'anniversaire de sa naissance. » Le colonel murmura. « Il y a une providence. »« Je le crois, » s'écria la brave femme avec conviction. « Je le crois fermement, mais dans tous les cas, ce n'est pas aujourd'hui que je peux constater ses effets. » Elle oubliait le roman commencé pour ne plus penser qu'au bijou perdu. Le comte voulut calmer un peu ses craintes. Il affirma de nouveau. « J'irai réclamer votre broche à la préfecture, je vous le promets. » « Qui sait si même je ne vous la rapporterai pas tantôt ?» Madame Matou, quoique romanesque, avait une sorte de jugeot de pratique qui très souvent la servait. Elle demanda, intriguée, « Comment pourriez-vous la reconnaître puisque vous ne l'avez jamais vue ?»« C'est vrai, je ne l'ai jamais vue, » fit le colonel avec un peu d'embarras. « Mais vous me ferez sa description, ça suffira. » C'est une vieille broche de famille, une sorte de panier en filigrane d'argent qui contient des fleurs et des fruits, une pêche d'opale, des raisins noirs d'améthyste et verts d'aigle marine, des groseilles de grenat, des abricots de topaze, des bluets de saphir, des myosotis de turquoise, des coquelicots de corail, des roses de rubis, des pâquerettes de diamants, tout ça avec un feuillage d'émeraude. « Fichtre !» fit le colonel avec admiration. « Ça doit tenir de la place. »« Oui, c'est un peu grand, mais joli tout de même. » Et M. Salmon, le grand bijoutier de Pont-sur-Orne, nous en a offert 3 000 francs. « Peste, écoutez, je réfléchis qu'il vaut mieux aller tout de suite à la préfecture, c'est plus sûr, j'y cours. »« Vous allez descendre ?»« Oui. »« Comment, pendant que ça marche ?»« Mais, dame, et moi, où dois-je descendre ?»« Vous allez au costume, il faut descendre à la station de la Tour Eiffel. Au revoir, belle dame. » Il s'inclina profondément, appuyant une main sur sa redingote et dit, respectueusement narquois, « Et sachez que j'emporte de cette rencontre un précieux souvenir. » Madame Atout rougit jusqu'aux cheveux et pensa, en regardant descendre le colonel avec effroi, Est-il leste? Est-il jeune? C'est pas Pamphile qui descendrait sans que ça s'arrête. Oh, certainement, il est charmant. Quel âge peut-il avoir? Il y a des hommes qui se conservent joliment bien. » Puis, revenant à l'idée qui, pour l'instant, la dominait, « Pourvu qu'il la retrouve, mon Dieu! Allons bon, qu'est-ce que c'est que ça ?» Une bande d'enfants qui couraient frôla en passant Madame Atou qui faillit perdre complètement l'équilibre. Derrière elle, à une certaine distance, un monsieur et une dame causaient à côté à la balustrade du trottoir, et pendant ce temps, leurs enfants jouaient et se poursuivaient sans aucun souci de bousculer les passants. Madame Atou, déjà très mal à l'aise dans les rues, se trouvait, sur cette machine roulante, en proie à un malaise réel et indéfini. Un second choc plus violent que le premier la fit tourner brusquement sur elle-même. Pendant quelques secondes, elle oscilla sans tomber, puis, perdant l'équilibre, elle voulut se rattraper à l'un des poteaux placés de distance en distance, mais elle le manqua et, lâchant tout, roula lourdement sur la seconde plateforme. Tandis qu'à genoux, les pieds embarrassés dans sa robe, les mains à terre, elle essayait de se relever, elle se sentit prendre par les coudes et soulever doucement. Quelqu'un qu'elle ne voyait pas l'aidait à se remettre sur ses jambes. Lorsqu'elle fut debout, une voix rauque demanda dans un bizarre français en roulant formidablement chaque syllabe « Est-ce que vous avez fait du mal ?» Madame Atou se retourna et resta muette d'étonnement et aussi, il faut bien le dire, d'admiration. Devant elle, un homme très brun, vêtu de velours noir, en culotte courte, bas noir, souliers à boucles et ceinture de soie rouge, se tenait immobile et souriant. Du premier regard, elle aperçut qu'il avait des yeux de velours, des dents éclatantes et des moustaches de soie. Le roman continuait. Comme elle restait muette, il répéta sa question « Est-ce que vous avez fait du mal ?» Elle répondit confuse et troublée, ne voulant pour rien au monde avouer que ses genoux lui faisaient mal à crier. « Non, monsieur, non, pas du tout. » Il souriait toujours et elle continua à le regarder, extasiée et curieuse. Il demanda encore, en montrant ses admirables dents, « Vous n'êtes pas de Paris ?»« Non, » balbutia Madame Atou. « Oh, je l'avais très vue. » La curiosité fut plus forte que la crainte et elle osa questionner gauchement. « Voulez-vous me dire à qui j'ai l'honneur de parler, monsieur ?» Il salua d'une rapide courbette, rejetant en arrière l'un de ses pieds avec une désinvolture qui manquait un peu de distinction et dit de sa voix rocailleuse et chantante, « Diego Lalaitovski. » Madame de la Mayonnaise salua profondément et pensa, « Diego, c'est quelque Espagnol de marque. Il porte son costume national comme la reine de Roumanie porte le sien. » Mais Lalaitovski, gênant un peu cette supposition, elle rectifia, « À moins que ce ne soit un Polonais. Mais alors, ce costume ?» Il fallait dire quelque chose et elle ne trouvait rien. Alors elle tendit sa main et lui sembla que l'inconnu hésitait à prendre. Il finit pourtant par mettre dans la petite patte courtaude, boudinée dans un gant trop étroit, sa longue main brune en disant « C'est beaucoup de l'honneur pour… » Il n'acheva pas. Une formidable gifle envoyée à toute volée lui rougit la joue, cependant que déferlait un flot de mots étranges hurlés d'une voix enrouée. « Ça te flanque le trac, c'est pas ? Tu ne pensais pas à la tatouille ? Si tu crois que j'aurai la chose de te loger pour que t'ailles faire les vieux trumeaux sur le rouleau, tu te trompes, mon petit !» La personne qui s'exprimait dans cette langue que Madame de la Mayonnaise écoutait ahurie sans en comprendre un mot était une grande fille brune aux longs yeux et aux cheveux noirs, vêtue d'une courte jupe de soie jaune et d'un boléro de velours orange. Sur ses épaules était jetée une sorte de collet gris qui cachait vaguement sa toilette. Dans ses cheveux laineux se dressait une énorme rose rouge au feuillage d'un vert criard. Elle saisit par le bras Diego Lalaitovski et fit mine de l'entraîner. En voyant qu'il se laissait faire sans protester, Madame de la Mayonnaise fit un mouvement de surprise et la fille crut qu'elle voulait intervenir. Alors elle se retourna et, désignant du doigt la pauvre femme éperdue, elle cria « A-t-on vu cette vieille putifard ?» Quand elle eut disparu, emmenant le noble inconnu, Madame Atou saisit un des piquets et s'y cramponnant, résolut de ne plus bouger jusqu'à la station de la tour Eiffel. Sans lâcher son poteau protecteur, elle regarda sa montre. Il était plus de 5 heures. La surprise la fit sortir de sa réserve accoutumée. Elle arrêta, pour lui demander l'heure, un gros monsieur qui y passait, et quand elle vit que sa montre marchait bien, elle s'indigna d'avoir trouvé le temps si court. Et les autres qui attendaient là-bas au palais du costume, quelle peur ils devaient avoir, et ce trottoir qui n'arrivait à aucune station. Persuadée que le trottoir s'arrêtait aux stations, elle attendit toujours, et ce ne fut qu'à la fermeture qu'elle descendit. Il faisait nuit, et elle eut une peine affreuse à trouver un fiacre qui consentit à la ramener à l'hôtel. Tous l'attendaient, sauf son mari, qui était allé à la morgue, affolé. Tant qu'il avait cru que sa mère avait manqué tout bonnement le rendez-vous, Paul ne s'était pas inquiété. Mais quand la nuit était venue, l'anxiété l'avait pris ainsi que M. Matou qui avait tenu à courir à la morgue. « Comment ? » dit Paul. « Tu n'as pas dîné ?» Cette pensée qu'il était resté depuis une heure et demie de l'après-midi jusqu'à la nuit sur le trottoir roulant avait vraiment quelque chose de cocasse et finalement il se mit à rire. Madame Matou protesta. « C'est pas tout, » fit-elle d'un air lugubre. « J'ai perdu ma corbeille. Vous savez bien, mon beau petit panier de fleurs en pierreries. C'est navrant. » Monsieur Dumanet, qui n'avait encore rien dit, s'écria illuminé. « Je parie que vous avez rencontré le colonel. » Alors, surprise de cette divination dont elle ignorait la cause et croyant qu'on était au courant de son roman, Madame Matou de la Mayonnaise se mit à bafouiller déplorablement, tandis que tous la regardaient ahurie, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire pour être si troublée.